إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله فالتوكل من أعظم الأعمال القلبية وأشقاها ولا شك أن تمكنه من قلب المسلم يكسبه اطمأنين النفس وقوة الجأش والثقة بالله تعالى وهي من أعظم المعاني التي يسعى لتحقيقها المسلم وفي المقابل فإن توكل المسلم على غير الله قد يخرجه من الملة إذا كان تعلق بغيره في طلب نفع أو دفع ضر وأقل أحواله أن يكون شركا أصغر إذا توكل على السبب مع اعتقاده في الله النفع والضر وحقيقة التوكل في اللغة الاعتماد على الغير وهو في الشرع حال القلب ينشأ عن معرفة بالله والإيمان بربوبيته وأنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن فيوجب اعتماد عليه وتفويضا إليه واطمأنينة والثقة به ويقينا بكفاية من توكل عليه وهو كذلك أن يعلم العبد أن هذا الملكوت بيد الله جل وعلا يصرفه كيف يشاء فيفوض الأمر إليه ويلتجي بقلبه في تحقيق مطلوبه والهرب مما يسوءه إليه ويعتصم بالله وحده فينزل حاجته به ويفوض أمره إليه ثم يعمل السبب الذي أمر الله به ولا شك أن التوكل على الله من أهم الأعمال القلبية وأجمعها بل هو العبادة كما يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى فجعل العبادة كلها بمعنى التوكل على الله سبحانه إذ أنه هو أصلها الذي تقوم عليه بل ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن التوكل نصف الدين والنصف الثاني الإنابة فإن الدين استعانة وعبادة فالتوكل هو الاستعانة والإنابة هي العبادة قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين والتوكل من أجمع أنواع العبادة وأعظمها لما ينشأ عنه من الأعمال الصالحة فإنه إذا اعتمد على الله في جميع أموره الدينية والدنيوية دون كل من سواها صح إخلاصه ومعاملته مع الله تعالى ولا يحصل كمال التوحيد بأنواع الثلاثة إلا بكمال التوكل على الله سبحانه وقد جعل الله التوكل شرطا في الإيمان فقال سبحانه وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين فدل على انتفاء الإيمان عند انتفائه وجعله كذلك دليل صحة الإسلام فقال سبحانه وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين وكلما قوي إيمان العبد كان توكله أقوى وإذا ضعف الإيمان ضعف التوكل وإذا كان التوكل ضعيفا كان دليلا على ضعف الإيمان ولابد وقد جمع الله بين التوكل والإيمان والتوكل والتقوى والتوكل والإسلام والتوكل والهداية فظهر أن التوكل أصل مقامات الإيمان والإحسان وجميع أعمال الإسلام وأن منزلة منها كمنزلة الرأس من الجسد فكما لا يقوم البدن إلا على الرأس فكذلك لا يقوم الإيمان ومقامته إلا على ساق التوكل قال ابن القيم رحمه الله من صدق توكله على الله في حصول شيء ناله والتوكل على قسمين توكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله فهذا صرفه لله واجب والتوحيد وصرفه لغيره شرك أكبر مخرج من الملة كمن يتوكل على الأموات أو الطواغيت في طلب نصر أو حفظ رزق ونحو ذلك والثاني التوكل في الأسباب الظاهرة كمن يتوكل على مخلوق فيما أقدره الله عليه من دفع أذى أو قضاء حاجة من مصالح الدنيا فهذا النوع الشرك أصغر وهو شرك خفي فكمن يتوكل على أمير أو سلطان فيما جعله الله بيده من رزق أو دفع أذى ونحو ذلك فهذا شرك خفي ولهذا قيل الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد لقوة تعلق القلب به والاعتماد عليه لأن القلب لا يتوكل إلا على من يرجوه فمن نظر إلى من يرجوه من شيخ أو سلطان أو مال أو نحو ذلك غير ناظر إلى الله كان فيه نوع توكل على ذلك السبب وما رجا أحد مخلوق أو توكل عليه إلا خاب ظنه فيه لأن حقيقة التوكل تفويض الأمر إلى من بيده الأمر والمخلوق ليس بيده الأمر فالتجاء القلب وتمعه في تحصيل المطلوب إنما يكون في من يملكه وهو الله جل وعلا وأما المخلوق فلا يقدر على شيء استقلالا وإنما هو السبب فإذا كان سببا فلا يجوز التوكل عليه بل يجعله سببا فيما أقدره الله عليه معه تفويض أمر النفع بهذا السبب إلى الله فيتوكل على الله ويأتي بالسبب الذي هو الانتفاع بهذا المخلوق بما جعله الله له من الانتفاع أو من القدرة ونحو ذلك لذلك جعل العلماء من شرك الألفاظ قول الرجل توكلت عليك أو توكلت على فلان وكذلك قول توكلت على الله ثم عليك كل ذلك من الشرك في الألفاظ لأن التوكل كله عبادة فلا يجوز جعل شيئا منه للمخلوق لكن يقول وكلت فلان وأنا موكلك من باب الوكالة التي هي الاستنابة وهي جائزة بإجماع العلماء فيوكل الشخص أخاه المسلم في قضاء حاجة له من مصالح الدنيا مع اعتماد القلب على الله تعالى في تيسير ما وكل فيه هذا الشخص لقضائه. وعلى ما سبق فتكون علاقة الأسباب بالتوكل أن يعمل العبد الأسباب المشروعة شرعية كانت أو قدرية مع اعتماد القلب على مسبب الأسباب وهو الله جل وعلا. فالموحد لا يلتفت إلى الأسباب بمعنى أنه لا يطمئن إليها أو يرجوها ويخافها، وكذلك لا يهملها أو يلغيها، بل يكون قائما بها ناظرا بقلبه إلى مسببها وهو الله وحده الذي لا يصح التوكل شرعا ولا عقلا إلا عليه سبحانه وتعالى. ومن ثمرات التوكل النصر. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: إن أبا بكر الصديق حدثه قال: نظرت إلى أقدام المشركين على رؤوسنا ونحن في الغار، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ رواه البخاري ومسلم. وفي ذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. قال تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ومن ثمرات التوكل على الله أيضا الحفظ من الشيطان الرجيم. قال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. ومن ثمرات التوكل على الله أيضا الرزق. ففي سنن الترمذي وابن ماجه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقتم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. تغدو يعني تذهب أول النهار، وتروح يعني ترجع آخر النهار. والتوكل على الله هو دليل على صدق الإيمان. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وفي سبعة مواضع في القرآن الكريم يقول الله سبحانه وتعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ومن ثمرات التوكل على الله أيضا الكفاية والحماية والرعاية. قال سبحانه: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وقال سبحانه: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال سبحانه: ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ومن ثمرات التوكل على الله نيل محبة الله. قال تعالى: إن الله يحب المتوكلين. وأعظم ثمرة جنة الله. قال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. فنسأل الله العظيم أن نكون منهم وأن يملئنا قلوبنا بالاعتماد عليه. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلاة وسلام دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، serviteur d'Allah, craignez Allah Azza wa Jal comme il se doit et ne mourrez qu'en étant musulmans soumis à Allah Azza wa Jal. Craignez Allah Azza wa Jal comme il se doit et rappelez-vous qu'Allah nous observe tous constamment où que l'on soit. Inna Allah kana alaykum raqiba. Allah nous observe tous constamment. Serviteurs d'Allah, craignez Allah Azza wa Jal comme il se doit. Et Allah Azza wa Jal vous donnera la bonne compréhension de la religion. Craignez Allah Azza wa Jal. Et rappelez-vous que personne ne peut fuir d'Allah Azza wa Jal. Serviteurs d'Allah, sachez que la meilleure des paroles est la parole d'Allah Azza wa Jal. Et que la meilleure des guidées est la guidée de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de ses sahaba. Et que les plus mauvaises choses, les pires des choses, sont toutes les choses inventées dans la religion complète d'Allah Azza wa Jal. Et toutes choses inventées dans la religion complète d'Allah Azza wa Jal, cela sont des innovations religieuses. Et toutes les innovations religieuses sont un égarement. Et tout égarement mène au feu de l'enfer. Serviteurs d'Allah, la confiance fait partie des plus importantes œuvres du cœur. Et il n'y a nul doute sur le fait que le musulman qui détient cette confiance ferme en Allah Azza wa Jal, cela lui procure la sérénité de l'âme et une imperturbable force et confiance en Allah Azza wa Jal. La pleine et totale confiance en Allah est ce sur quoi le musulman et la musulmane cherchent à concrétiser. À l'opposé, la confiance que le musulman voue à autre qu'Allah, cela peut l'exclure de l'islam. Si son cœur est attaché à autre qu'Allah pour obtenir un bien ou repousser un mal. Dans le cas le moins pire, cela constitue un péché majeur, étant donné que c'est de l'associationnisme mineur. Si le musulman a placé sa confiance sur une cause, tout en croyant que c'est Allah qui donne le bien et repousse le mal, cela c'est du polythéisme mineur. La réalité de la confiance, linguistiquement, c'est de s'en remettre à quelqu'un d'autre. Et dans la langue française, il y a l'utilisation abusive du terme confiance par beaucoup d'entre nous et parfois même par des prédicateurs de cette communauté. Ils utilisent le terme confiance pour désigner par exemple un frère. Vous pourrez entendre dire « c'est un frère de confiance » ou bien lire des traductions erronées de hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui traduit un des qualificatifs du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il est sadiq al-amin, eux le traduisent par le digne de confiance. Et ceci est strictement faux, car la traduction correcte pour sadiq al-amin, c'est le véridique qui respecte le dépôt. Certains pourront dire, mais ceci, ce n'est qu'en français. Et rien ne nous empêche d'utiliser le terme confiance pour dire un frère de confiance. Mais cela n'est également pas correct. Car les linguistes même de la langue française disent, je cite, que le terme confiance provient du latin confidentia, avec l'influence de l'ancien français fiance pour foi. Foi. On sait directement que cela fait partie des œuvres du cœur. Sentiment de quelqu'un qui se fie entièrement à quelqu'un d'autre, à quelque chose, sentiment d'assurance, de sécurité. Donc il n'est pas correct d'utiliser le terme confiance pour désigner une chose ou une personne. Mais il est plus correct d'utiliser, inshallah, le terme fiable ou donner du crédit à quelqu'un. Car en français, les linguistes définissent la fiabilité par, je cite, probabilité. Donc ça veut dire que ce n'est pas sûr. Probabilité pour qu'une pièce, un dispositif ou un équipement complet soit utilisé sans défaillance pendant une période de temps déterminée. Ils disent également caractère de quelqu'un, d'un groupe, de quelque chose de fiable. Quant à la définition de se fier, accorder du crédit à quelque chose, croire en sa valeur, en sa réalité. Donc on distingue bien la différence entre la confiance, qui est une œuvre du cœur, qui ne doit être vouée qu'à Allah Azza wa Jal seul. Donc lorsqu'on le parle en français, le terme confiance, on sait que c'est un acte d'adoration, on ne le réserve que pour Allah Azza wa Jal. C'est comme le terme adorer. J'adore un tel, j'adore les fraises, j'adore ce plat. A'oudou billah. Ce sont des termes qui sont utilisés que dans la langue française, lorsque vous allez voir les linguistes eux-mêmes, les spécialistes de la langue, ils vous montrent le caractère fort qu'a le terme adorer. Vouer un culte, subhanallah. Donc à nous de corriger notre façon de parler, notamment lorsqu'on utilise des termes, qu'on les utilise à leur place. Car on sait que une parole qu'un individu dit peut être une cause de son châtiment en enfer. Qu'Allah nous en préserve. Donc, on voit la différence entre la confiance et la fiabilité. C'est pour cela qu'il est strictement interdit de dire quelqu'un qu'il est digne de confiance. Voulant dire linguistiquement qu'il est digne que l'on se fie entièrement à lui. Subhanallah, c'est une créature. Alors que ce sentiment ne doit être réservé qu'exclusivement à Allah seul. Puisque c'est en Allah seul que l'on doit se fier entièrement. Mais on dit que l'on accorde du crédit à un frère en fonction de ce que l'on connaît de lui. Donc, linguistiquement, la réalité de la confiance, c'est de s'en remettre à quelqu'un d'autre. Et selon la législation d'Allah, Azza wa Jal, la confiance, c'est l'état du cœur qui fait naître en lui la connaissance d'Allah et la foi en sa seigneurie, la foi que ce qu'Allah veut sera, et ce qu'Allah ne veut pas ne sera pas. Il est donc obligatoire de s'en remettre entièrement à Allah Azza wa Jal avec sérénité et certitude. Que le serviteur sache que ce royaume est dans la main d'Allah Azza wa Jal. Il le dirige comme il veut. Donc le serviteur s'en remet entièrement à Allah en orientant son cœur vers Allah seul pour la concrétisation de sa demande et ses besoins, en délaissant l'état de ce qu'il demande à Allah, puis il fait les causes qu'Allah a ordonnées et qu'Allah contrôle. Il n'y a donc aucun doute que la confiance en Allah fait partie des plus importantes œuvres du cœur. C'est l'œuvre qui réunit toutes les autres œuvres. Mais c'est l'adoration même, comme l'imam Ahmed rahimahullah a dit. L'imam Luqayyim rahimahullah a mentionné que la confiance, c'est la moitié de la religion. Et la deuxième moitié, c'est le fait de revenir repentant vers Allah. Car la religion est le fait de demander l'aide d'Allah et c'est l'adoration. La confiance, c'est la demande d'aide à Allah. Et le fait de revenir repentant vers Allah, c'est l'adoration. Allah le Très-Haut a dit, dans la traduction du sens du verset, « C'est toi, ô Allah, que nous adorons et c'est de toi que nous demandons l'aide. Et la confiance en Allah est le centre de l'adoration et la sincérité dans le monothéisme si le serviteur l'applique dans sa réalité. Encore faudrait-il que le serviteur l'applique dans sa réalité. La confiance en Allah réunit l'ensemble des actes d'adoration par ce qui découle des bonnes œuvres. Car si le musulman s'en remet entièrement à Allah et exclusivement à Allah dans toutes ses affaires religieuses ou bien ses affaires dans ce bas monde, sans s'en remettre à quelqu'un d'autre ou à quelque chose, alors sa sincérité et sa façon d'agir vis-à-vis d'Allah seront correctes. Alors, sa sincérité et façon d'agir vis-à-vis d'Allah seront correctes. La perfection des trois catégories de tawhid, de pur monothéisme, ne pourra se faire excepté par la perfection dans la confiance en Allah. Et Allah a fait de la confiance une condition dans la foi. Pour preuve, Allah Azza wa Jal a dit dans la traduction du sens du verset, et c'est en Allah qu'il faut avoir confiance si vous êtes croyant. Et c'est en Allah qu'il faut avoir confiance si vous êtes croyant. Ceci prouve la nullité de la foi lors de la nullité de la confiance en Allah. Et Allah a également fait de la confiance en lui seul une preuve de la validité de l'islam. Allah Azza wa Jalla a dit dans la traduction du sens du verset, et Moïse, Moussa, dit « Ô mon peuple, si vous croyez en Allah, placez votre confiance en lui si vous êtes musulman. » C'est-à-dire si vous lui êtes soumis. À chaque fois que la foi du serviteur se renforce, sa confiance qu'il voit à Allah est plus forte. Tandis que si la foi diminue, la confiance en Allah diminue. Et si la confiance en Allah était faible, ceci est une preuve de la faiblesse de la foi, sans aucun doute. La foi augmente avec les bonnes œuvres, et diminue avec les péchés. Plus ta foi augmente, plus la confiance que tu voudras à Allah Azza wa Jal, elle sera forte. Et plus ta foi est faible par les péchés qui sont commis, moins ta confiance en Allah Azza wa Jal sera forte. Allah Azza wa Jal a uni la confiance et la foi. La confiance et la crainte pieuse, la confiance et l'islam, et la confiance et la guidée. Voilà, Kalofik, si vous pouvez rapprocher pour laisser les frères, Inch'Allah, rentrer. Il apparaît que la confiance est la base de l'emplacement de la foi, de l'ihsan. Donc beaucoup ne comprennent même pas ce que ça veut dire ihsan. Et ils pensent ihsan. Mais subhanallah, il faut déjà faire l'islam, avoir l'iman. L'ihsan, c'est un niveau qui consiste au fait que tu adores Allah comme si tu le voyais. Tu adores Allah comme si tu le voyais. Billahi alaykoum. Ces individus qui n'arrêtent pas de parler ihsan, et qui désobéissent en apparence le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Craignent-ils Allah azza wa jal? Sont-ils en train de dire, ils adorent Allah comme s'ils le voyaient? Tu aimerais qu'Allah te voie et que tu désobéis à ton prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Subhanallah. L'ihsan, c'est le fait que tu adores Allah comme si que tu le voyais. Car sache que tu ne le vois pas, mais lui, il te voit. Et que tu te rappelles que lui t'observe constamment. Donc c'est un niveau que tu sais que où que tu sois, avec qui, peu importe avec qui tu es, dans n'importe quel endroit, tu te rappelles constamment qu'Allah Azza wa Jalla, il t'observe constamment. Ça, c'est le niveau d'Ihsan. Tu as appliqué l'Iman, l'Islam. Mais ce n'est pas juste l'Ihsan et tu insistes l'Ihsan, alors tu désobéis physiquement et intérieurement le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, la confiance est la base de l'emplacement de la foi, de l'Ihsan et de toutes les œuvres de l'Islam. Et sa place est telle la place de la tête sur le reste du corps. Tel que le corps ne peut pas fonctionner sans la tête. C'est ainsi pour la foi et ses degrés qui ne peuvent être établis que sur la confiance en Allah seul. L'imam Ibn Qayyim rahimahullah a dit « Quiconque a été véridique dans sa confiance qu'il voue à Allah dans l'obtention d'une chose, l'atteint. » Quiconque a été véridique dans sa confiance qu'il voue à Allah dans l'obtention d'une chose, l'atteint. Ça veut dire qu'il atteint cette chose-là. Parce qu'il a été véridique dans sa confiance qu'il voue à Allah, Azza wa Jal. Il y a deux cas à souligner concernant la confiance. La confiance dans les affaires dont seul Allah Azza wa Jal peut faire, il est obligatoire de vouer cette confiance qu'à Allah seul. Et cela fait partie du tawhid d'Allah, du pur monothéisme. Mais si la personne la voue à autre qu'Allah, dans les affaires que seul Allah peut faire, alors cela c'est du shirk akbar, de l'associationnisme majeur, qui exclut l'individu de l'islam. Tels que ceux qui placent leur confiance en des morts ou en des tawarites dans la demande de la victoire ou la préservation des biens. Le deuxième cas, lorsque l'individu place sa confiance sur des causes apparentes, telles que celui qui place sa confiance en une créature qui peut faire, elle n'est pas morte celle-là, elle peut faire ce qu'Allah le Très-Haut lui a permis, tel que repousser un mal ou pouvoir faire une chose bénéfique dans ce bas monde. Alors cela fait partie de l'associationnisme mineur. Associationnisme caché, c'est un associationnisme caché, tel que celui qui place sa confiance en un dirigeant, dans ce qu'Allah lui a donné en termes de provision, ou de repousser un mal. Et cela donc fait partie de l'associationnisme mineur qui est donc un péché majeur. C'est pour cela qu'il est dit que le fait de se tourner vers les causes, cela est de l'associationnisme en fonction de son degré d'attachement du cœur à s'en remettre à ses causes. Je répète, Inch'Allah, pour que ce soit bien clair. C'est pour cela qu'il est dit que le fait de se tourner vers les causes, on sait très bien qu'on doit placer notre confiance en Allah Azza wa Jal, mais on doit également faire des causes. D'accord ? Mais l'individu qui ne va pas placer complètement sa confiance en Allah Azza wa Jal, il va la placer sur cette cause-là qu'il a faite, en souhaitant que cette cause-là puisse faire quelque chose, en souhaitant de cette cause-là et non pas d'Allah. Eh bien, cela fait partie de l'associationnisme. Et cela, tout dépend du degré de l'attachement du cœur à cette cause-là, à s'en remettre à cette cause. Car le cœur ne place sa confiance qu'en qui il souhaite. Donc si son cœur se tourne vers qui il souhaite, parmi un dirigeant, ou un cheikh, ou argent, ou autre, sans se tourner vers Allah, alors il y a dans cela une catégorie de confiance placée sur les causes, et il n'y a personne qui place sa confiance en une créature, excepté qu'elle se retrouve déçue de cette créature. Car la réalité de la confiance, c'est de remettre les affaires en celui qui contrôle ses affaires et les détient, c'est-à-dire Allah le Très-Haut. Tandis que la créature ne contrôle pas les choses, ne détient pas les moyens de faire ce qu'il veut. Donc le fait que le cœur veut une chose, se tourne vers ce qu'il veut obtenir. Le cœur ne doit se tourner que vers celui qui le détient et contrôle tout, Allah Azza wa Jal. Alors que la créature ne peut rien faire indépendamment. Comme Allah Azza wa Jal dit, « وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَيَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ » Vous ne voudrez, et vous ne voudrez que ce qu'Allah veut. Donc, la créature, c'est une cause. Toi, tu souhaites faire telle ou telle chose, tu places ta confiance en Allah Azza wa Jal seul. Tu ne t'en remets qu'à Allah Azza wa Jal. Tu fais les causes qui sont légiférées dans la sunna. Rappelez-vous de ce hadith, cet homme qui est venu voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il se disait, est-ce que j'accroche mon chameau puisque je suis à côté de la demeure du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Ou est-ce que je le laisse? Il a questionné le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, attache. Donc, fais la cause, tu l'attaches. Mais le fait que tu attaches, en ayant fait cette cause-là, tu ne tournes pas ton cœur vers cette cause-là, en te disant, c'est bon, je l'ai attaché, il ne va rien se passer. Non, tu places ta confiance qu'en Allah seul. Tu as fait cette cause-là, mais tu sais que cette chose-là, qui est juste créature, ne peut rien faire indépendamment d'Allah Azza wa Jal. D'accord ? Et ce n'est pas comme certaines sectes égarées qui vont vous dire « Reste chez toi, éteins la lumière, baisse ta tête et va pas chercher du travail. Si Allah Azza wa Jal t'a écrit que tu auras un travail, il va descendre. » C'est quoi ça, a'oudou billah ? Ils veulent égarer la communauté. Subhanallah. Ce n'est pas ça l'islam. Mais ça, c'est l'égarement et c'est l'innovation. Et ces gens-là, en faisant comme ça, subhanallah, ils se châtient eux-mêmes pour avoir refusé d'obéir au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, la créature, c'est une cause. Et comme c'est une cause, il n'est pas permis de placer la confiance en une créature. Mais l'individu se doit de l'utiliser en tant que cause dans ce en quoi Allah a permis à cette créature de faire. Tout en se remettant à Allah, le quelconque bénéfice que cette créature pourra faire par la permission d'Allah. C'est-à-dire que toi, tu voulais faire quelque chose. Première chose que tu fais, tu places ta confiance en Allah Azza wa Jal seul. Tu fais l'istikhara, tu demandes à Allah Azza wa Jal que s'il y a un bien dans cela qui te le permet. Mais si c'est un mal pour toi, pour ta religion, pour ton bas monde, qu'il t'en écarte. C'est pas par exemple tu penses à ces choses-là et tu vas à tout prix cette chose-là. Mais tu n'en sais rien, ce qu'Allah Azza wa Jal a décrété pour toi. Donc, toi tu fais les causes. Tu vas par exemple rechercher, je vais donner un exemple concret, tu vas rechercher un travail. Tu as trouvé une offre d'emploi par exemple, d'accord ? Il y a un tel qui peut parler à un tel pour te faire rentrer par exemple. Dans telle ou telle boîte. Toi, qu'est-ce que tu fais ? C'est que tu places ta confiance en Allah Azza wa Jal et tu utilises ce qui est légiféré. Tu t'es renseigné, on t'a dit, eh bien, tu fais ça, ça, ça, ça. Tu fais tout ce qui est demandé, tu as fait les causes. Tu fais tout ce qui est demandé. Mais tu ne penses pas dans ton cœur la crainte que peut-être que cette personne-là, si elle me voit, elle va dire je ne sais pas quoi, ou elle risque de ne pas me donner ce poste, ou elle risque de je ne sais pas quoi. Donc là, qu'est-ce que tu vas faire ? Ça veut dire que tu vas placer ta confiance en cette créature-là. Subhanallah. Mais elle ne fera que ce qu'Allah Azza wa Jal a décrété. Donc il faut effacer ça du champ lexical du musulman. Tu n'auras pas de travail, c'est à la barre. Tu vas venir, personne ne va te prendre. Subhanallah. Ma'anetha, ça veut dire que tu as placé la confiance en ces créatures-là. Et qu'il n'y a qu'eux qui peuvent décider de ce qu'Allah Azza wa Jalla t'a décrété. A'udhu billah. Toi, tu fais des causes. Tu veux une chose qu'Allah Azza wa Jalla t'a décrété en désobéissant à Allah. Subhanallah. Allah t'a prescrit un rizq. Le rizq, la subsistance, tu l'auras. Allah Azza wa Jalla te montre les voies. La voie du bien et la voie du mal. Nous lui avons montré, les voies sont claires. Comme tu peux l'avoir de façon licite, dans l'obéissance à Allah Azza wa Jal, mais toi tu ne sais pas si Allah te l'a décrété. Donc qu'est-ce que tu fais ? Tu places ta confiance uniquement en Allah. Et tu ne commences pas à avoir une quelconque crainte ou peur que, imagine, ils ne te prennent pas ou ils te prennent ou quoi que ce soit, et tu commences à stresser pour rien. Donc là, tu ne connais pas la paix. Alors que la paix, tu la connais une fois que tu t'es soumis à Allah, pas avant. Tu t'es soumis à Allah. La confiance est acte du cœur. Tu ne le voues qu'à Allah. Tu invoques Allah Azza wa Jal. Il ne t'arrivera que ce qu'Allah Azza wa Jal t'a décrété. Tu fais les causes. C'est écrit que tu l'auras. Alhamdulillah. C'est pas écrit. Alhamdulillah. Et si tu l'as eu par le biais d'une personne, tu ne penses pas que c'est grâce, tarfirallah, à cette personne-là. Celle-là, c'était une cause. Mais c'est Allah Azza wa Jal qui a facilité à cet individu-là qui a pu faire que. D'accord ? C'est pour cela que les savants ont mentionné que fait partie du polythéisme, de l'associationnisme dans les prononciations, le fait que l'individu dise « J'ai placé ma confiance en toi ». Ça, c'est du shirk de dire ça. A'oudou billah. Ou bien dire « J'ai placé ma confiance en un tel ». Ou bien dire, comme on entend au bled, qu'Allah les guide et nous guide. J'ai placé ma confiance en Allah puis en toi. Certains vont même dire j'ai placé ma confiance en toi puis en Allah. Donc tous toutes ces prononciations-là font partie de l'associationnisme, du polythéisme. Dans la prononciation, car la confiance, comme je le dis et je le répète, c'est un acte d'adoration, c'est une œuvre du cœur. Il est donc strictement interdit de vouer quoi que ce soit en termes d'adoration à une créature. Cependant, il est permis de dire, j'ai mandaté un tel. Et il est permis de mandater son frère qui est musulman, et ceci par l'unanimité des savants. Il est permis de mandater un frère qui est musulman pour qu'il lui fasse quelque chose qui pourrait le bénéficier dans ce bas monde, car la facilité que le frère qui a été mandaté, s'il trouve dans la facilité à faire cette chose-là pour laquelle il a été mandaté, c'est qu'Allah lui a facilité, et non pas lui en tant que créature le fait et puis a pu le faire, etc. D'accord ? On se rappelle, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَيَّشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Vous ne voudrez que ce qu'Allah Azza wa Jal veut. Tu peux connaître quelqu'un qui est fiable, à qui tu accordes du crédit, et tu lui dis, je ne suis pas disponible, tu peux faire ça et tout cela. Tu sais que tu connais ce frère-là, il faisait à chaque fois cela. Subhanallah, Allah Azza wa Jal a décrété qu'il ne pouvait pas. Il s'est cassé une jambe à l'hôpital et puis il ne va pas plus faire ce que tu l'as envoyé faire. Donc, on ne place la confiance qu'en Allah. Tu sais que si c'est réussi à faire, il y a une facilité qu'il a réussi à faire, c'est que ça provient d'Allah. Lui, c'est une cause. Donc, la relation à avoir avec les causes concernant la confiance, c'est que le serviteur fait les causes légiférées en ayant son cœur qui se remet entièrement en celui qui crée les causes, c'est-à-dire Allah, le monothéiste, al-muahid, ne se retourne pas vers les causes dans le sens où il s'en remet aux causes, ou les souhaite, ou les craint. Mais également, il ne délaisse pas, ni ne les élimine. Mais il se doit de faire les causes en se rappelant sincèrement, avec son cœur, que c'est Allah, le Très-Haut seul, qui établit les causes. C'est Allah seul qui établit les causes. Et que la confiance ne se place qu'en Allah seul, et non en les causes. Car la confiance en les causes, qui sont des créatures, n'est absolument pas valide, selon la législation, ni selon la raison, mais la confiance se doit absolument d'être qu'en Allah seul. Car les créatures ne pourront faire ou agir qu'en fonction de ce qu'Allah le Très-Haut aura décrété et permis. Et parmi les fruits qu'il y a qu'apporte la confiance sincère que l'on voue à Allah Azza wa Jal seul, il y a la victoire, qu'Allah Azza wa Jal donne la victoire. Selon Anas ibn Malik radiallahu anhu, il rapporte que Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu a dit, lorsqu'il était avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qu'il a fait la hijra et qu'il l'avait quitté la Mecque pour se rendre à Médine, et que les mouchriquins, les kuffars parmi la tribu de Quraysh, les polythéistes, les mécréants, eh bien, les suivaient pour essayer de les rattraper et puis de leur faire du mal. Donc, ils étaient dans cette grotte-là. Il a dit à Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, j'ai vu les pieds des polythéistes qui étaient au-dessus de nos têtes, alors que nous étions dans la grotte. J'ai dit alors, ô envoyé d'Allah, si l'un d'entre eux venait à regarder sous ses pieds, il nous verrait. Alors l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, la confiance ferme en Allah azza wa jal, Allah azza wa jal donne la victoire. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, que penses-tu, ô Abu Bakr, de deux, et Allah est le troisième avec eux. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim dans leur Sahih. Et à propos de cela, Allah Azza wa Jalla a dit dans la traduction du sens du verset, si vous ne lui portez pas secours, Allah lui a certes porté secours lorsque les mécréants l'ont fait sortir. Il était le deuxième des deux lorsqu'ils étaient dans la grotte, et qu'il disait à son compagnon, ne sois pas triste, certes Allah est avec nous. Allah fit alors descendre sur lui sa sérénité, la sékina, la sérénité, et le soutien de soldats, yani les anges, que vous ne voyez pas. Et il abaissa ainsi la parole des mécréants, tandis que la parole d'Allah eut le dessus, et Allah est puissant et sage. Concernant ici, j'ouvre une parenthèse, car il y a deux points à souligner, inshallah, concernant ce hadith. Tout d'abord, il ne faut absolument pas comprendre de ces textes que Allah est physiquement avec ses créatures. Allah est élevé au-dessus de son trône Et le sens de ces textes est qu'il est avec eux en les protégeant et en les secourant. Le deuxième point, c'est qu'il a rapporté plusieurs hadiths sur le fait qu'il y a une araignée qui aurait tissé la toile de la grotte, à l'entrée de la grotte, ce qui aurait trompé les polythéistes de Quraysh, leur faisant croire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr n'étaient pas dedans. Cependant, tous les hadiths sur cela sont faibles et ne sont pas authentiques. L'imam l'Albani rahimallah dit dans celle-ci, la tête d'Aïfa, sache qu'il n'y a aucun hadith authentique concernant l'araignée de la grotte. Donc je ferme cette parenthèse-là. Allah Azza wa Jalla a dit, dans la traduction du sens diversé, si Allah vous donne son secours, nul ne peut vous vaincre. S'il vous abandonne, qui donc après lui vous donnera secours? C'est à Allah que les croyants doivent faire confiance. Et parmi les fruits de la confiance en Allah, c'est la protection contre le shaitan, le lapidé. Allah Azza wa Jalla a dit dans la traduction du sens du verset, lorsque tu lis le Coran, lorsque tu récites le Coran, demande la protection d'Allah contre le diable lapidé. Il n'a aucun pouvoir. Alors sur qui? Il n'a aucun pouvoir sur ceux qui croient et qui placent leur confiance en leur Seigneur. Parmi les fruits de la confiance en Allah seul, c'est l'obtention du risque de la subsistance. Comme cela est rapporté d'après Omar ibn Khattab, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, et cela est rapporté dans les hadiths authentiques, authentifiés par l'imam l'Albani, par l'imam dans les sunnahs Tirmidhi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si vous placiez votre confiance en Allah comme il se doit, il vous donnerait certes votre subsistance comme il la donne à l'oiseau qui part le matin le ventre vide et revient le soir le ventre plein. Et placer sa confiance en Allah est une preuve de la véracité de la foi. Allah Azza wa Jalla dit dans la traduction du sens du verset, les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah. Et quand ces versets leur sont récités, cela fait augmenter leur foi et ils placent leur confiance en leur Seigneur. À cet endroit dans le Coran, vous trouverez la parole d'Allah Azza wa Jal. À cet endroit dans le Coran, vous trouverez la parole d'Allah Azza wa Jal. Et c'est en Allah que les croyants placent leur confiance. Parmi ce qui résulte du fait de placer sincèrement sa confiance en Allah seul, Allah le suffit et le protège. Allah Azza wa Jal a dit dans la traduction au sens du verset, pardonne-leur donc et place ta confiance en Allah et Allah suffit comme protecteur. Allah suffit comme protecteur. Allah Azza wa Jal a dit dans la traduction du sens du verset, et quiconque place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. Et Allah Azza wa Jal a dit dans la traduction du sens du verset, mais quiconque place sa confiance en Allah sera victorieux, car Allah est puissant et sage. Parmi ce qui résulte également du fait de placer sincèrement sa confiance en Allah seul, l'obtention de l'amour d'Allah, Azza wa Jal, comme Allah Azza wa Jal a dit dans la traduction du sens du verset, confie-toi donc à Allah, Allah aime en vérité ceux qui lui font confiance. Et enfin, la plus grande conséquence de placer sa confiance uniquement en Allah Azza wa Jal, sans lui associer quoi que ce soit, c'est l'obtention du paradis. Allah le Très-Haut a dit, dans la traduction du sens et les versets, et quant à ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, nous les installerons certes à l'étage dans le paradis, sous lequel coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Quelle belle récompense que celle de ceux qui font le bien, qui patientent, endurent et placent leur confiance en leur Seigneur. Donc on demande à Allah Azza wa Jal de remplir notre cœur de cette confiance ferme et totale en Allah Azza wa Jal seul. Et qu'il nous montre la vérité comme étant la vérité, qu'on l'accepte et qu'on la suive. Et qu'il nous montre le faux comme étant le faux pour qu'on s'en écarte. Il y a un point, Inch'Allah, à mentionner très rapidement, Inch'Allah. C'est que durant les nuits du Ramadan, la mosquée va organiser le iftar, donc après Yani la salat du Maghrib. Et donc, la communauté musulmane ici à Lisieux donc, sont invités, Inch'Allah, à aider les responsables, notamment, et la mosquée, Yani de façon financière ou de façon humaine. Donc celui qui ne peut pas financièrement. Donc, parce que vous savez, ils vont préparer, Inch'Allah, yani, si on peut s'entraider dans cela, pour faciliter, Inch'Allah, ce travail que vont faire les frères. On demande à Allah Azza wa Jal qui leur récompense de la meilleure des façons. Et ceux qui sont disponibles, Inch'Allah, qui peuvent venir, Inch'Allah, aider يعني, les frères ici à la mosquée pour organiser cet iftar. Jazakumullah khairan. Allahumma ahdina fi man hadayt, wa afina fi man afayt, wa barik lana fi ma a'tayt, tabarak tarabbana wa ta'alayt. Allahumma aizza al-islam wal-muslimin, wa adhilla al-shirka wal-mushrikin, wa dammar a'da'aka a'da'ud-din, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad.